obligée de parler pour que vous compreniez dans quoi vous arrivez. Le micro ouvert démarre dans la manifestation qui a eu lieu le 11 septembre 2021 à 15h au parc du Cinquantenaire. C'était une manifestation sous la bannière d'Europeans United, une manifestation où des gens viennent de toute l'Europe. Voilà, j'aurais bien aimé prendre plus de temps pour ce micro ouvert, ça n'a pas été possible. Il y a 35 minutes, voilà, de paroles de gens qui marchent pour la liberté et la démocratie, qui marchent aussi contre les mesures sanitaires, l'obligation vaccinale, enfin voilà, vous allez entendre, contre le pass aussi, évidemment. Et dans un deuxième temps de ce micro ouvert, trois portraits d'hommes qui nous parlent des inondations, qui les ont vécues de près, de très près, ou un petit peu de loin. Micro ouvert. Je suis complètement nulle pour tout ça. Je suis là depuis le début, il y a 4000 personnes. Il y a un drôle de bruit, je crois que c'est son micro, c'est les parasites, j'entends. Mais vous, qu'est-ce que vous... Non, là, je fais des photos, j'ai filmé tout à l'heure. Non, moi, je suis une citoyenne et je suis là pour... Par hasard? Non, pas par hasard, absolument pas. Pour la même chose que tout le monde, pour défendre nos libertés. Je suis contre le pass sanitaire, toutes ces obligations, enfin, c'est nos obligations déguisées. Voilà. Ok, mais pourquoi ? Vous pouvez expliquer un peu l'essentiel, mais pourquoi vous êtes contre le pass sanitaire, tout ça ? Je sais que ça paraît basique comme question, mais... Parce que je suis pour une démocratie, tout ceci n'est pas démocratique. Nos anciens se sont battus pour qu'on ait les libertés qu'on a maintenant. C'est pas pour nous les faire voler comme on est en train de le faire. Tous ces interdits, je veux pas de cet avenir pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Donc voilà, et tout ça pour un truc qui finalement n'est pas justifié, parce que quand on regarde, ça ne fait pas tellement de mort que ça, quoi. Comparé à d'autres pathologies qui sont bien plus dangereuses, et desquelles on ne parle même pas. On va croire qu'il y a un an et demi qu'il n'y a plus que le Covid qui existe. Non. Ok, moi je vais un petit peu prendre la température des gens. Pour savoir un petit peu. Je ne sais pas qui vous êtes non plus. Mais j'ai plus de carte. Moi, je fais une émission de radio qui s'appelle Micro Ouvert. Retenez Micro Ouvert. J'ai plus de carte. Je les ai données toutes ce matin. J'étais au rond-point avec les gilets jaunes. Micro Ouvert. Tapez sur un. Oui. Regardez. Il n'y a pas de caméra, hein, les gars, c'est juste un micro. C'est pareil. Mais c'est encore mieux, parce qu'au moins c'est basé... Non, mais si tu veux pas parler, dis-le, c'est plus simple, hein, parce que c'est pas pareil. La radio et l'image, c'est pas la même chose. Hein. Ça dépend comment on les traite, les informations. On le prendra plus tard. Mais j'entends un drôle de bruit ici. Oh. Vous parlez français ? Moi, pas du tout flamand. Un peu, un tout petit peu. Ouais, quand même. Non, mais dites plutôt que vous voulez pas parler, c'est plus simple. Hein. Non, moi, j'insiste. En néerlandais. Mais je comprendrai rien. Oh. Elle parle bien le français. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez demander ? Bah, qu'est-ce que vous faites là, quoi, en gros ? Je tiens fort à ma liberté. Et je tiens fort à la liberté de prendre les décisions en moi. Et pas être forcée de faire quelque chose. Donc c'est pour ça que je suis là. Je suis absolument pas contre quelque chose. Le vaccin, c'est pour ceux qui le veulent. Pas pour moi, mais pour ceux qui le veulent. Et je respecte leur choix. Et je veux que les autres respectent mon choix aussi. C'est tout. C'est tout. Tout simplement. Ok. Voilà. Il y a de plus en plus de gens qui en ont marre. Hein. Ouais, j'espère, parce que... Si tout le monde continue comme ça, sans rien dire, sans et simplement accepter tout ce qu'on leur dit, on va arriver n'importe où, n'importe comment. Donc non, je ne veux plus. Ok, merci. Hein. C'est juste pour entendre ce que les gens disent. Ça, vous êtes d'accord que je vous pose... Qu'est-ce que vous faites là? C'est pour qui? C'est du média alternatif. Ah, enfin, micro ouvert, ça s'appelle. C'est une émission de radio. Bonjour, micro ouvert. Bonjour. Oui, mais moi, je viens un petit peu écouter ce que les gens ont à dire, là. C'est quoi qui est noté sur ta pancarte? Victime de mesures discriminatoires entre 41 et 45. Là. Oui, ça... Il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire? Ben, ça veut dire que le dernier épisode... très très sombre de notre histoire, c'était la Seconde Guerre mondiale. Et on a démarré de la même manière, on a commencé à discriminer certaines personnes parce qu'elles étaient juives, parce qu'elles soi-disant transmettaient le typhus, enfin on a trouvé toutes les excuses, et petit à petit on leur a retiré leur liberté de façon très intelligente, petit groupe par petit groupe, comme on fait aujourd'hui. Et on a vu la solution que ça... enfin la solution... On a vu finalement ce qui s'est passé. On est arrivé à l'abomination la plus terrible, 6 millions de juifs exterminés dans des camps. C'est qui qu'on extermine là aujourd'hui? J'arrive pas à comprendre exactement ce que tu veux dire. Hein. Mais ça veut dire qu'on peut tomber dans un régime totalitaire où tout est possible. En 1933, quand on a commencé à discriminer les gens, en 1934-1935, on était 10 ans avant la solution finale. Donc qui sait dans 10 ans ce qui va se passer? Le problème, c'est qu'on a commencé un processus où on ne respecte plus les droits individuels, les libertés individuelles, on ne respecte plus les constitutions qui sont les garde-fous de notre démocratie. Et tout dirigeant qui se respecte, il ne pense qu'à une chose, c'est rester au pouvoir. Et donc, quoi de mieux que d'abolir la démocratie? C'est ce qu'ils sont occupés à faire. Et si on ne réagit pas maintenant... Ben moi, je pense que c'est terminé, parce que bon, Hitler il n'est plus au pouvoir, parce qu'il y avait d'autres forces, les États-Unis, la Russie, qui, eux, ne voulaient pas le laisser seul mettre à bord. Ici, qui, dans le monde, s'offusque et est contre ces suppressions de liberté? Personne. Et donc, c'est ça qui est très dangereux. C'est qu'on... les Juifs pouvaient encore fuir en 1933-1934, il y avait encore des pays qui pouvaient les accueillir. Aujourd'hui, où peut-on aller où les droits de l'homme sont encore respectés? Donc je pense qu'il faut se battre ici et maintenant, pas chercher une solution sur Mars. Et c'est pour ça qu'on est là, et pour nos enfants aussi, évidemment. Mais quoi, c'est une manif contre le pass sanitaire, c'est ça? C'est surtout, alors entre autres, mais c'est surtout une manifestation pour demander que l'on retrouve nos libertés. T'inquiète, je mets le micro là parce que ça va trop fort. Ça va trop fort, ouais. Je parle trop fort. Non, Donc, t'inquiète. Voilà. C'est une manifestation pour d'abord dénoncer, parce que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils sont même demandeurs. On leur a fait tellement peur qu'ils sont demandeurs de mesures fortes pour sortir de la crise. Donc ça, c'est un autre panneau qu'on a, où on voit les Allemands en liesse en train de faire de la salut nazi devant Hitler. Et les gens étaient très enthousiastes au moment d'avoir élu Hitler, parce qu'il proposait des solutions à la crise, des solutions, oui, qui via un système assez autoritaire, il est vrai. Et les gens ont été séduits, et aujourd'hui, on en est là. Alors il faut éveiller les gens, il faut que les gens se rendent compte qu'on est en train de glisser tout doucement vers une dictature, et donc on est là pour ça, pour dire, écoutez, ce n'est pas normal tout ce qui se passe. Les gouvernements qui ont juré fidélité à la Constitution sont des parjures, ils ne suivent pas leur serment. Ils piétinent la Constitution depuis un an et demi. Depuis longtemps. Pas à ce point-là. Alors, oui, ici, mais... rien, ici, c'est... Aïe, ok. Ici, c'est énorme. Et donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'au moins, les gens peuvent précisément voir clair, mais c'est vrai que c'est un système qui est en marche, depuis la nuit des temps. Mais... ici, là, on y va franchement, commencer à discriminer les gens parce qu'ils n'ont pas envie de subir et d'être les cobayes d'une expérimentation de médicaments mondiales, c'est quand même très fort. Je veux dire, il y a quand même, après les atrocités, entre autres du professeur Dr Mengele sur les Juifs, en Nuremberg, on a quand même on a quand même dit, écoutez, il faudrait quand même que quand on veut expérimenter des médicaments ou quoi que ce soit sur un être humain, il faut son consentement libre et éclairé. Parce que nous sommes en phase d'expérimentation, les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas jusqu'en 2022 et fin 2023. Nous sommes, c'est une mise sur le marché conditionnel. C'est une mise sur le marché conditionnel. Ça veut dire que nous sommes en pleine phase de test. Et donc, comment voulez-vous que les gens donnent leur consentement libre et éclairé si on fait pression sur eux et si on les oblige? Donc on est occupé à obliger les gens, par les faits, à subir une expérimentation de nouveaux, de nouvelles thérapies. Et donc c'est incroyable. Ouh là là. Bon, écoute, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Ouais. De toute façon, moi, je ne vais pas forcément réagir. Je prends le pouls des gens. Mais, enfin, j'essaie de comprendre ce que tu dis avec le lien avec Hitler et tout ça. Et j'arrive pas à comprendre le lien que tu fais entre... OK, il y a le pass sanitaire. C'est l'idée... de dire si toi t'es vacciné tu peux passer, si toi t'es pas vacciné tu peux pas passer. Ok, c'est oui, on fait chier l'individu, mais c'est pas que cette règle là. Je veux dire, il y a les riches, il y a les pauvres. Si t'es pauvre, tu peux de toute façon pas avoir droit au restaurant ou au théâtre ou au... Enfin, tu vois, je trouve que ta pensée, elle est, j'arrive pas bien à la capter, quoi. Donc, j'entends bien qu'on est occupé à basculer tout doucement vers quelque chose où on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire que c'est en haut qu'on nous dit, voilà, vous pouvez sortir, vous pouvez pas sortir, vous avez des amendes si vous mettez pas le masque, tu vois. Bon, ouais. C'est un peu nouveau chez nous d'être que ce soit aussi flagrosse. Oui, tout à fait. Donc. Mais quel est le lien avec la guerre? Parce que la dernière fois qu'on a subi ce genre de restrictions, c'était pendant la guerre. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont voués à la revivre. Et donc là, on est face à des gouvernements, pour la première fois depuis 1945, des gouvernements qui ne respectent pas les droits fondamentaux de leurs concitoyens. Alors c'est sûr que... Il y a la dame qui rigole, là. C'est sûr qu'on a... Ça existe dans le monde entier, qu'on ne respecte pas le droit des gens, je suis d'accord. Mais ici, c'est quand même encore plus flagrant qu'avant. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas une société parfaite du tout. J'ai jamais dit que c'était génial avant. Mais là, où est encore la marge de manœuvre pour espérer un monde meilleur? C'est ça le problème. C'est que là, on nous empêche même... on a un problème climatique, par exemple. Comment, depuis la crise du Covid, on n'en parle plus? Alors que c'est quand même 100 000 fois plus grave que le Covid. Donc, à partir du moment où on nous colloque, comment voulez-vous les manifester pour le climat? C'est pas possible. Ou bien manifester contre l'OCDE, contre le FMI, contre tout ce qu'on veut. Comment voulez-vous encore faire entendre une voix alternative quand... on ne peut même plus se rassembler, par exemple. Là, je vous suis, hein. Voilà. Et c'est ça que je veux dire. Depuis la Seconde Guerre mondiale, donc d'abord, on a quand même vécu ce qu'on appelle les 30 glorieuses, une espèce d'âge d'or dans nos sociétés. Je suis bien d'accord que ça a toujours été au détriment d'autres... peuples. De la majorité des gens sur la planète. Mais il y a des gens ici qui se battent pour ça, pour plus d'égalité. Pour dire on arrête l'ingérence, on veut annuler la dette. Donc il y a tous des mouvements de gens qui reconnaissent que la colonisation c'était vraiment pas cool, etc., etc. Mais pour ça, il faut qu'il y ait encore des contre-pouvoirs, encore des gens qui peuvent au moins essayer. Aujourd'hui, on ne peut même plus faire ça. Parce que là, pour l'instant, on est en rue parce qu'on est déconfiné. Mais il suffira d'annoncer que les cas remontent, machin bazar, pour que tout le monde soit de nouveau... tapis comme des rats chez eux, et on ne peut plus s'exprimer. Et donc, le gros problème, c'est que nos systèmes n'est pas parfait. On est bien d'accord, la démocratie n'est pas parfaite. En attendant, c'est quand même mieux qu'une dictature. C'est quand même sous la démocratie qu'on a vu l'avènement, je sais pas moi, les congés payés, les respects quand même des droits des travailleurs, même si on est encore très loin du compte. Il y a quand même une évolution positive par rapport à la révolution industrielle, par exemple. Donc même si c'est imparfait, on est quand même dans la bonne direction. Parce que, de plus en plus, la société met des droits. Le droit des enfants, le droit des femmes, le droit des homosexuels. Tout ça n'existait pas il y a 30-40 ans. Donc, on met en place des garde-fous qui sont des lois, des droits, qui empêchent les gens de trop déconner et pour essayer de tendre vers un monde meilleur. On est toujours avec à tendre vers, on est très loin du compte. Mais si ces garde-fous, si ces lois qu'on a mis en place par expérience, on ne les respecte plus du tout, et que c'est même le gouvernement qui ne le respecte plus, que le citoyen il ne le respecte pas, c'est au gouvernement de le faire respecter. Mais ici, si le gouvernement lui-même ne respecte plus ses engagements, ne respecte plus les lois qui font cette société va disparaître, c'est aussi simple que ça. Enfin, en tout cas, la société telle que nous la connaissons, et c'est ce qui s'est passé en Allemagne. Les gens qui ont eu Hitler, ce n'étaient pas des imbéciles, hein. Ce n'étaient pas des imbéciles du tout, ils étaient au moins aussi malins que nous aujourd'hui. Mais on voit à partir du moment où les gens s'abrogent les pleins pouvoirs, où il y a une crise, où il y a une propagande. C'est aussi ça le rapport, c'est que la propagande, on est au même niveau. Goebbels peut être vraiment fier de nous. La propagande est d'une efficacité extraordinaire. Et c'est exactement les mêmes techniques utilisées pendant la guerre qu'aujourd'hui, avec tous les moyens technologiques qui existent. Voilà, okay. Donc c'est pour ça qu'on dit on est reparti comme en 40, mais aussi comme en 14, comme en voilà. Ça, les guerres ont toujours existé, mais chez nous, on était quand même honnêtement préservés. Mais t'es d'accord qu'entre la guerre 14-18 et celle de 40-45, c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même guerre, non. Mais de nouveau, c'est les mêmes personnes qui la provoquent et c'est les autres qui meurent. Donc ça, voilà, on sait que la guerre de 14-18, c'était... Enfin, on sait. Certaines théories auxquelles j'adhère disent que c'est aussi des industriels qui ont dit, ben voilà, on a plein d'armements, on a plein de bazar, il faut quand même faire une guerre. Et puis, ils ont été vraiment comme dans Robin des Bois, cire, vous êtes le 1, on vous était plus fort, ça va être facile. Tout le monde est parti la fleur au fusil en se disant, on va quand même montrer qu'on est les plus forts. C'était l'époque où l'Europe était vraiment maîtresse du monde, où chaque État voulait être plus gros que son voisin, les expositions universelles les plus folles, les années folles, quoi. C'était extraordinaire. Et donc, ils sont partis la fleur au fusil en se disant, voilà, dans deux semaines, c'est terminé. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried. Bah oui, on a bien vu ce qui s'est passé après. Donc non, c'est pas la même guerre, c'est pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est que régulièrement, on est rentré dans des logiques de guerre. C'est toujours le peuple qui en a pâti. Pas celui qui l'a provoqué. Faut prendre le temps de décortiquer pour comprendre, quoi, tu vois, parce que tu vois ça, tu te dis c'est quoi Ouais, mais voilà, après, voilà, pour moi c'est clair, sinon je l'aurais pas écrit. Encore, j'ai essayé d'être le plus concis possible. Mais ça veut dire qu'on commence par des petites mesures discriminatoires, vraiment là. On a franchi un cap qu'on peut pas franchir, en fait. Ouais. Et puis après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et là, on a la preuve, j'allais dire vivante, mais ce serait un mauvais jeu de mots, que tout peut arriver, en fait. Que la pire horreur peut arriver, et que ça démarre insidieusement. Et la façon dont les choses se passent aujourd'hui, c'est le même démarrage. J'espère que ça n'arrivera pas au même résultat, mais c'est le même démarrage. On franchit les mêmes lignes rouges. Ok. Merci à toi, hein. Tu donnes un prénom ou bien on s'en fout? Jean, merci Jean. Avec plaisir, prénom. Graziella, avec plaisir. Bon, si tu veux entendre d'autres gens qui vont, ça s'appelle micro ouvert, j'ai plus de carte, j'ai micro tout ouvert. Ouais, c'est facile, tu tapes micro ouvert en deux mots. tu vas tomber sur... On ira voir ça. Bah oui, écoutez, écoutez, c'est de la radio. Alternatif. Ah, ce baffle, il est chiant. Hein. Oula ! Vous me regardez en criant les mots liberté, là ? Vous le criez ! Vous m'appelez, en fait. Voilà, exactement. Et racontez-moi. Voilà, je vous raconte que je veux être libre, me sentir libre et vivre librement. Voilà ce que j'ai entendu de la Belgique. De la Belgique. Ouais. Très bien. Eh bien, c'est enregistré. Merci beaucoup. Et c'est à diffuser. Ah ben oui, oui, d'office. C'est gentil. Bonjour. Bonjour. Mais quoi, vous voulez changer le monde? Vous êtes là dans la rue et vous n'êtes même pas capable de... Non. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci, et vous? Ça va bien. Ok, d'accord. Et ma question, qu'est-ce que tu fais là, toi, alors? Parce qu'on entend liberté, liberté. Je suis venue pour défendre ma liberté. Laquelle? Ma liberté est celle de mes enfants. Je veux être libre. Je suis contre la vaccination, alors je ne veux pas qu'on m'oblige à me faire vacciner. Je ne veux pas qu'on oblige à mon enfant, à mes enfants, à ce qu'ils se vaccinent. Donc, je veux être libre de mes choix. Je veux être libre de mes choix. Je suis propriétaire de mon corps. Mon corps m'appartient. C'est moi qui sais ce qu'on doit injecter dans mon corps. Quelqu'un ne peut pas m'obliger à injecter quelque chose dont je ne connais pas. Je ne connais rien dans mon corps. Ok, ok, on a compris. Mais il n'y a pas d'autres vaccins qui sont obligatoires en Belgique et les gens ne respectaient pas. Moi, je fais un peu l'avocat du diable. Hein. Ouais. Tes enfants, ils sont aussi vaccinés contre, je sais pas quoi, moi, la... Comment ça... Il y a des vaccins obligatoires aussi, non? Évidemment, mais... C'est quoi la différence, là, maintenant, alors? Ça, ici, c'est une ARN messager. Ce n'est pas un vaccin. C'est une thérapie génique. C'est comment on appelle? C'est en phase d'expérimentation. On ne peut pas prendre quelque chose qui est en phase d'expérimentation et obliger les gens à mettre ça dans leur corps. Ce n'est pas normal. Sauf s'ils veulent les assassiner. S'ils veulent tuer les gens, qu'ils le disent clairement. Là, ils sont en train d'assassiner les gens. Donc, ils croient que les gens, ils sont pas... on n'est pas bêtes. On sait ce qui se passe. On n'est pas bêtes. Donc, moi, je suis contre l'obligation vaccinale. Je suis contre le passeport vaccinal. Je suis contre le pass sanitaire, donc qui nous laisse en paix, qui nous laisse vivre en paix. Je ne veux pas qu'on m'oblige à injecter un produit dont je ne sais d'où il vient, dont je ne sais rien. Je ne veux pas qu'on m'injecte cela dans mon corps, ni pour moi, ni pour mes enfants. Ok. Voilà, je suis là on pour on a entendu le message. Enfants. Merci. Oui, merci à vous. Quelque chose à rajouter? Non, c'est tout. J'espère qu'ils vont entendre le cri du cœur des mamans, des parents. Donc, voilà. J'espère qu'ils vont entendre le cri de cœur de la population. Merci. Vous, monsieur, vous faites quoi? C'est quoi ce drapeau? Je suis curieuse, hein, moi. L'Autriche. Qu'est-ce que ça a à voir, l'Autriche, là? Expliquez-moi. L'Autriche est... Et soutien? Soutien? Je suis bavarois, mais c'est un citoyen, l'Autrichien, et nous sommes... Tous, nous sommes l'Européens. Vous soutenez, genre vous avez un micro aussi? Vous faites genre du média en Autriche pour montrer la marche ici? Oui. Après, il va annoncer des autres messages. Ok, ok. Et quoi, vous avez un... Alexander, ok, ok. Merci. L'Autriche, oui. L'Autriche est avec, alors. L'Autriche. C'est ça. Ok. Bon. Combien? Ne vous inquiétez pas, je tiens un gentil média. Si vous voulez pas, vous m'envoyez péter. C'est la radio. Il n'y a pas d'image. Oh ouais, la grande liberté, là. Liberté! Non? Bonjour. C'est de la radio. Il y a un micro. C'est du média alternatif. Oh, in English? Oh, no. Si, je parle français. Hein? Vous parlez français. Juste en français. Yeah. I don't speak français. Non, c'est... Maybe. Vous n'avez rien à dire. On voulait changer le monde. C'est pas demain la veille. Hein. Non. Putain. si on n'est même pas capable, si on n'est même pas capable d'échanger, basiquement. C'est cela, oui, mais des fois on vient d'un univers, vous voyez. Moi j'ai pas fait d'études, je me suis débrouillée un peu dans la rue. Excusez-moi de ne pas parler anglais. Bonjour, c'est quoi Kenorte? Ah ouais, liberté, freedom en anglais. Bonjour. Vous inquiétez pas, je suis un média gentil. Si vous voulez pas parler, vous parlez pas. Hein. Non, je veux pas parler. Non, vous avez rien à dire? Si, j'ai beaucoup à dire, mais je veux comment, pas parler. Mais comment on va changer les choses si on se parle pas alors? Je comprends pas, moi, tu vois, les choses, là, comment on va changer les choses si on se parle pas? Ouais, mais j'ai pas envie qu'on me mette en évidence. Mais là, on te met pas en évidence parce que c'est la radio, c'est la pensée de quelqu'un, on sait même pas qui c'est. Alors, je vais vous dire quelque chose. Il faut laisser les médecins soigner les patients. Il y a des traitements et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de traitement. Si on dit qu'il n'y a pas de traitement, on a le droit de donner des vaccins qui sont expérimentaux. Mais s'il y a des traitements, on n'a pas ce droit. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Et vous êtes qui? Vous travaillez dans la santé ou bien vous êtes... Je ne peux pas dire qui je suis parce que j'ai déjà assez de problèmes. Mais vous travaillez dans la santé un peu? Je travaille dans la santé. Ok, ça va. Merci. Hein. Bonjour. Je suis un média gentil. Dites-moi, vous êtes plutôt... Il n'y a pas de caméra? Non, il n'y a pas de caméra. C'est du média radio. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, bah un peu comme tout le monde, je pense. On se bat pour notre liberté. Enfin, si on peut appeler ça se battre, mais... Oh. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il arrive, je parle... Tout, c'est déjà fini, t'as plus rien à dire? Non. Ah, mais on n'est pas prêt de changer le monde, hein, demain, si les gens sont très peu... Comment? Il faut échanger les uns avec les autres, hein. Ouais. Bon, si t'as rien à dire, t'as rien à dire, je comprends. Bonjour. Vous allez bien? Ah, trop classe. Petite galette au chocolat. Ah, il est un peu... vite le manger pour pas mettre du chocolat partout. Elle chauffe un peu, là, pour le moment. Ouais. C'est des petites galettes au chocolat. Allez, je goûte. Ah, Et du coup, vous présentez qui, quoi, pour vous? Radio, médias alternatifs. Une émission qui s'appelle Micro Ouvert. J'ai plus de cartes, j'ai tout distribué. Mais vous tapez Micro Ouvert sur un... Voilà. Vous trouverez facilement. Ok. Et moi, l'idée, j'ai envie de savoir qui sont les gens qui font partie de cette manif. Et voilà, je tends mon micro, genre, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Qu'est-ce qui se passe? nous, on est là, en fait, pour plein de choses. On est là pour... D'abord, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui veulent représenter la liberté. Et donc du coup on est là pour ça. Et puis on est là aussi pour dénoncer ça, pour dénoncer cette connerie de passe sanitaire, dénoncer que les gens, on se rencontre autour de nous, les gens ils sont juste endoctrinés, ils réfléchissent pas par eux-mêmes. Et nous, de quels gens tu parles là? Moi je parle des gens qui sont autour de moi, des gens de ma famille, des gens des amis. On expliquait tout à l'heure qu'on a fait des scissions avec notre... avec notre famille parce que, ou avec des amis, parce que c'est pas qu'on veut être contre, mais on refuse le débat, on nous traite de complotistes, on nous donne des arguments qui sont complètement débiles. Comme quoi, par exemple? Comme quoi le vaccin est là pour nous aider, pour nous donner la sécurité, soi-disant, alors que nous, la liberté, alors que finalement, nous, on veut juste... laisser le choix à les gens. Attends. Ouais. On veut juste laisser le choix aux gens de faire leur propre opinion et de réfléchir. Et on se rend compte qu'en fait, on est en phase 3 pour l'instant de ce vaccin. Il y a énormément d'effets secondaires qui ne sont pas répertoriés. Les médias n'en parlent pas. On se rend compte que les médias sont muselés, qui racontent ce qu'ils veulent bien raconter et qui mentent par omission et qui mentent tout court d'ailleurs. Et voilà, donc on est là pour ça. Enfin, moi, je suis là pour ça, en tout cas. Je vais parler en mon nom. Et vous, les filles? Ça vous a inspiré, ce qu'a dit votre ami? Oui, moi, je pense surtout que là, on va vers une dérive. On glisse tout doucement vers une forme de tyrannie. Je pense qu'on met les gens vraiment en conditionnel. Voilà, je pense qu'on infantilise vraiment les adultes depuis 18 mois. Il n'y a pas d'ouverture de débat, on est taxé directement en effet de complotisme, alors que je pense tout simplement que chacun au fond de soi, pour sa santé, sait ce qui est bon. Donc moi, je ne suis pas anti-vax du tout, voilà. J'estime que chacun, je respecte mes amis, beaucoup de mes amis ont décidé de se vacciner. Voilà, chacun fait ce qui est bon pour lui, ce qui semble être la meilleure solution. Mais j'estime qu'à l'heure actuelle, au vu surtout de ce taux de létalité qui est quand même minime et qui touche malheureusement des gens qui souvent sont déjà en très mauvaise santé, avec des comorbidités, etc., il est hors de question d'aller imposer quoi que ce soit en termes de vaccination chez les jeunes, surtout chez les enfants. Il est hors de question de plier par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis surtout là pour ça parce que j'ai une fille de 7 ans et j'ai pas envie d'avoir un seul regret d'ici 10, 15, 20 ans, 5 ans. Donc j'estime que voilà, je fais un peu mon devoir aussi de maman et de citoyenne parce que je ne veux pas qu'on clive la société de plus en plus. Or, c'est ce qui est en train de se passer. C'est que insidieusement, on est vraiment en train de diviser pour mieux régner. Et je dénonce vraiment les États pour le moment qui ne veulent pas notre bien. Mais ça fait penser, moi, je parce que je donne le micro aux gens, j'essaye cette fois-ci de pas trop intervenir pour entendre vraiment, hein, parce qu'il y a de tout, hein, il y a plein de gens. Mais j'ai l'impression que c'est surtout une guerre médiatique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne renvoie pas le réel aux gens. On raconte des choses, en plus, vous savez, on n'y connaît rien, nous, en vaccins, en santé, c'est une histoire de dingue. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous auriez à dire alors sur... Parce que moi, j'aime bien jouer l'avocat du diable, hein, sinon on est tous là et voilà. Mais quoi, t'as une enfant de 7 ans, elle a été vaccinée pour d'autres... Oui, pour d'autres choses, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas anti-vax. Hein. Mais ici, en l'occurrence, je pense qu'il faut laisser le bénéfice du doute. Ça va beaucoup trop vite. Je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas du tout scientifique à la base, mais j'ai lu quand même beaucoup de choses. Et on sait que quand c'est développé comme ça, vite fait, bien fait, qu'est-ce qui se passe en termes de pharmacovigilance? Est-ce qu'en effet, ces effets secondaires remontent-ils bien? Informe-t-on vraiment bien? J'ai pas l'impression que non. Désolée, ce job n'est pas fait pour le moment. Enfin, voilà. Ma sœur a travaillé plus de 10 ans dans le vaccin, elle en parlera elle-même si elle le souhaite. Mais voilà, je pense que... Voilà, je pense qu'il y a vaccin et vaccin aussi, attention. Tu as travaillé depuis plus de 10 ans dans le vaccin. J'ai quitté depuis quelques temps, mais oui, j'ai travaillé, j'allais défendre des dossiers aux autorités de santé. Et donc tu défendais le vaccin? Oui, mais pas celui-là. Voilà, mais pour qu'on comprenne un peu, nous qui n'y connaissons rien. Mais je répète, est-ce que c'est pas plutôt une crise, tu vois, une crise du pouvoir? On n'a plus confiance parce qu'en fait, ils nous ont montré qu'ils racontaient n'importe quoi. C'est une crise politique, hein, maintenant. C'est plus une crise sanitaire, hein, je veux dire. Ça n'a jamais été une crise sanitaire. Moi, ce que je dirais, c'est que la médecine est politisée. Elle devrait être complètement indépendante. Il y a longtemps, ça. Hein. Mais là, c'est flagrant. Et par rapport, justement, au fait que même si les gens veulent se faire vacciner, déjà, ils n'ont même pas le choix du vaccin, ça aussi. Donc, ils ne savent pas. J'ai appris ça récemment. C'est incroyable, ça. Voilà. Et donc, par rapport à certains types de vaccins, il n'y a pas un recul assez nécessaire que pour voir vraiment les effets. Donc, il n'y a pas de bénéfice-risque, en fait, déjà attesté. Or, on donne une autorisation de mise sur le marché sur un bénéfice-risque qui n'est pas là actuellement. Il y a beaucoup d'effets secondaires, en effet, qui ne sont pas remontés. Et même pourquoi, en fait, en gros? Parce que c'est un système qui n'est pas facile d'accès, déjà. Et il faut vraiment aller chercher sur le site de l'IME, sur le site de l'Agence belge du médicament ou de l'Agence française du médicament. C'est déjà difficile d'y accéder si on veut soi-même aller voir. Et quand on y va voir, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont été attestées comme étant positives et que, voilà, quand on regarde bien les données, on ne donnerait même plus, on arrêterait ça maintenant. Et ça continue. On arrêterait ça maintenant, tu veux dire qu'on a... Tu veux dire quoi quand tu dis ça? Par rapport aux effets secondaires, par rapport aux femmes enceintes, par rapport à des enfants. Oui, normalement, on aurait déjà dû enlever ce vaccin. Bien sûr. Mais pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on passe les pépettes? Mais ça a toujours été les pépettes à la base, non? Telle est la question. Telle est la question. Est-ce que la réponse n'est pas dans la question? Non, c'est une vraie question. Et alors, les gens ont le droit de se soigner comme ils veulent. Pour votre sécurité, non. D'abord, la sécurité intérieure, et n'attendez pas que ce soit l'extérieur qui vienne vous donner la réponse. Donc, chacun prend sa responsabilité, fait ses choix, en conscience. Mais on doit avoir accès à ça. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir... si nous, on sent au fond de nous que ce n'est pas cette médecine-là que l'on souhaite, on a le droit de le dire et de le refuser. Ben oui, c'est énorme quand même. Hein, C'est la supercherie. Je veux dire, dès le départ, en commençant à tout doucement parler de la vaccination, c'était très ciblé. C'était, bien sûr, on va cibler les personnes qui sont vraiment à risque et les personnes âgées. Vous avez vu comment, en quelques mois comme ça, très rapidement, après, non, il faut absolument 70% de vaccinés. Et puis là, on en vient à parler de 80 et autres, en sachant que 20% de la population, ce sont les enfants. Voilà, posez-vous la bonne question. Tu dis ? Non, j'ai dit après une dose, deux doses, trois doses, ça va jusqu'où ? En Israël, ils sont quand même à la quatrième dose. Ouais, c'est... Une recrudescence. Intéressant, Israël, hein. Le peuple qui s'est toujours sacrifié dans l'histoire, on devrait regarder un peu plus ce qui se passe là-bas, ils nous montrent l'exemple. Mm. Bah, de toute façon, eux manifestent aussi, hein, quelque part, hein, contre le pass et voilà, et d'autres... pourtant, ils sont solidement voilà, vaccinés. Encore une fois, les médias n'en parlent pas. Les médias n'en parlent pas, donc... Il faut aller chercher, quoi. Il faut aller chercher. Oui. Mais aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet aussi. Et je pense que les gens qui veulent s'informer peuvent s'informer. Tout est sous la main. Et il suffit simplement d'avoir un petit peu l'envie aussi, je pense. Donc il y a un mindset à avoir. Un mindset ? C'est quoi ce mindset ? Un mindset, c'est l'envie. Oui, mais c'est l'envie de. C'est déjà se poser des questions et l'envie de chercher des réponses. Et pas simplement. Et pas simplement écouter bêtement ce qu'on nous dit à la télévision ou à la radio. Ouais, mais c'est surtout ça, je crois, que ce qui se passe, c'est que c'est comme une crise de l'information, quoi. Oui, puis la science, elle émet des hypothèses. Et elle évolue, mais là, elle n'évolue plus. Là, c'est dictatorial. Or, normalement, le scientifique, il remet en cause toujours son hypothèse. Bon, ben merci, les amis. Conclusion de tout ça, comment, quoi vous croyez? On va même d'être là maintenant, voilà, on espère voilà, voilà, qu'il y aura de l'appui, qu'il y a des choses qui vont bouger, que certains scientifiques vont aussi essayer d'enfoncer le clou, et voilà, et qu'on soit aussi défendu et entendu par des gens qui mettent en place des procédures aussi pour aller en recours, quoi, tout simplement. Il faut lancer des recours, et je pense que c'est ces gens-là qu'il faut pouvoir soutenir aussi un petit peu, même financièrement, parce que s'attaquer à l'État, C'est balèze. C'est balèze, ouais. J'invite les gens à réfléchir et à parfois sortir du sentier et à se faire sa propre réflexion, à parfois contester, à parfois être en contre-marche de la voie dictée. Et après, on peut se tromper et revenir dans le droit chemin, si c'est ça le droit chemin. Mais pour l'instant, je crois que se poser des questions, réfléchir, ça reste une obligation presque humaine. C'est capital, oui. Bon, mais merci les amis. Hein, merci à vous. Bonne route. Merci à vous. Ils sont partis où? Bah, écoute, je pense qu'ils sont montés là. Oh! On monte tous sur le vélo. Chaîner, et j'ai vu des... Enfin, ça commence, quoi, les images comme ça de... C'est comme des images un peu de guerre, hein. Oui, tout à fait. Et voilà, moi, je suis un habitant de Chaîner, et j'ai pu constater les dégâts qu'il y a eu énormément ici, avec beaucoup d'eau, plus ou moins partout, 1m80. Oui, ici, où on se trouve, sur la place, comment elle s'appelle, cette place? Place du Gravier. Place du Gravier, en fait, il y avait... Vous me disiez... 1m80 d'eau, ici sur la place du Gravier, où le marché se fait régulièrement. Mais pour moi, c'est une erreur humaine qui s'est passée ici. Ça provient du barrage de la Gilette, beaucoup plus haut. Ils ont été obligés de lâcher, l'eau débordait, il n'avait plus pendant 3 jours. Et le barrage, l'eau passait au-dessus du barrage. Et voilà, ils ont lâché trop vite, beaucoup trop vite. Trop tard, en fait. Trop tard, oui. Trop tard, et du coup, la pression a été trop forte. Tout à fait, c'est ça. Voilà. C'est... Mais comment vous savez ça, vous Parce que là, on a aussi à la TV, ça. Hein. Il y a une heure... Mais qui l'a annoncé Les journalistes l'ont annoncé qu'il y avait... Pour à l'instant même, il y a une enquête qui est en cours pour le ministre, justement, que c'est lui qui est fautif. Mais tchèque, non, mais évidemment, ça, c'est le gouvernement. Hein. Voilà. Et donc, c'est oui, il pleut pendant 3 jours. C'est une catastrophe naturelle, mais pas complètement naturelle, alors, non. C'est ça? Tout à fait, c'est pas naturel. D'un côté, c'est naturel, il a plu pendant 3-4 jours, mais après, il devait lâcher beaucoup avant, parce qu'ils étaient prévenus par... comment, là? La météo? La météo, voilà. Des fois, elle raconte des bêtises, la météo. Ici, en Belgique, pas. Non, c'est souvent... Voilà, aujourd'hui, ils ont annoncé un temps brumeux, et il a été... Avec pluie, mais là, pour le moment, il n'y a pas de pluie. Hein. Oui, mais pas toute la... Parce qu'ils mettent 40 ou 60%. Voilà. Mais de toute façon, oui, l'idée, c'est de se dire... C'est quoi cette catastrophe naturelle, quoi? Ça vous parle comment, vous, l'état du monde, voilà. Le changement climatique, ça vous parle, vous, oui, ou pas? Oui, c'est le changement climatique, là, ça, je suis presque formel, ça. C'est tout à fait ça. Et il faut qu'on réagisse à ça. Dans tous les pays. Moi, je n'ai plus rien à dire. Ouais. Je suppose que vous vous informez, vous êtes aussi influencé par les médias, les lectures que vous faites. Tout à fait. Mais si vous pensez par vous-même... Comment vous n'êtes pas de Chesnay, hein, vous n'avez pas eu de dégâts, en fait. Donc vous avez pu regarder les choses un peu de l'extérieur. Voilà. Et ça vous a fait quoi quand vous avez vu l'ampleur de la catastrophe? Malheureux, ça, hein, c'était catastrophe. Ça fait mal quand même pour les gens qui ont été pris dans la catastrophe. Voilà. Voilà. Ouais. Il y a le trafic là. Le magasin Trafic qui est... Oui, il a été pris par en dessous, lui, hein. Ouais. Vous voyez. Et quoi, il continue à fonctionner, ce magasin, ou c'est fini? Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas vous dire. Si ce magasin-là, il y avait une boucherie et Trafic, je ne sais pas. Si, je n'y suis plus allé. Mais jusqu'à là, jusqu'à la rue des Grands Prés, on avait de l'eau, là. Hein. Ouais. Partout. Bah, imaginez si on est ici... Et qu'au-dessus de notre tête, il y avait presque 2 mètres d'eau. Non, on n'imagine pas, hein, c'est dingue. Non, c'est ça, hein. C'est tout à fait. Et là, voilà la police. Ouais, mais la police, elle arrive toujours après, elle. Oui. Bon, merci, hein, monsieur. Madame, au revoir, bonne journée. Vous aussi. Allez, go. On est toujours à Chesnay. Et là, je rencontre un nouveau monsieur qui s'appelle Victor. Bonjour, Victor. Bonjour. Ça va? Oui, le moral est là. Ça fait combien de temps que la tempête, là, est arrivée? C'était le 14 juillet, je crois. Quoi, maintenant? Un peu plus d'un mois? Un peu plus d'un mois, hein. Alors, moi, je tutoie facilement, mais avec tout le respect. Hein. Ouais, toi, tu as été touché, Victor. Pardon? Ta maison a été touchée. Ah oui, bien inondée. Tout le rez-de-chaussée, presque jusqu'au plafond, a été inondé. Et tu disais que tu avais pu sauver... Vraiment, le strict minimum, tout ce qui était léger, vu que je suis handicapé dans le dos, et monter le marché lessive et tout ça dans les escaliers, c'était impossible. Donc tout ce qui est électroménager, marché lessive, séchoir, la vaisselle et tout ça, tout est parti, quoi. Tout a été foutu, quoi. J'ai juste sauvé mes deux PC portables, mon décodeur, ma TV. La base. Oui, vraiment. sans savoir si on aura encore Internet après. Ouais. Enfin, ça va, c'est résolu. Ça fait combien de temps que vous habitez ici? J'ai fait 3 maisons, là, donc 27 ans. 27 ans, ouais, donc vous connaissez bien l'endroit. J'habitais dans la courrie, c'est là aussi. Maintenant, je vous vois, c'est marrant, hein. Je fais tu, vous. Et quoi? Moi, les questions que j'aime bien poser, c'est genre... Après, vous me dites ce que vous avez envie, évidemment, mais qu'est-ce que ça vous a fait de réaliser... La flotte, elle est arrivée rapidement, non? Ah oui, oui, oui, parce que on avait fait un petit barrage à l'entrée de la rue, ça avait l'air de tenir, et puis à un moment donné, ça est venu dans la rue, et pouf, terminé, là. Hein, j'essayais de boucher les trous avec des essuies et tout ça, mais rien à faire, c'est impossible de retenir l'eau. Hein. Alors je suis monté à l'étage, j'ai dormi là. Le lendemain matin, quand je me suis levé, ben, il y avait un canot pneumatique qui passait dans la rue, et alors je suis monté dans le canot. Je me dis, ça ne sert à rien de rester. Et alors, je suis parti de la maison, quoi. Hein. Il fallait attendre que ça la décrue. Vous êtes allé habiter où, du coup, là, en attendant? Chez mon fils. Mais lui, a acheté une maison, il était en plein travaux, lui. Donc, il m'a dépanné vraiment le mieux qu'il pouvait. Puis après, je suis revenu ici. Je campe, quoi. On a rangé comme on pouvait avec une table, des chaises. Foyer à pétrole, voilà, qu'on se débrouille. Ouais. Heureusement, il y a quand même des gens qui passent nous donner à manger tous les jours. C'est qui ces gens? Ben, il y avait la Croix-Rouge et maintenant je crois que c'est l'armée. Enfin, tous les jours, de ce côté-là, vraiment rien à redire, on a été soignés, je vais dire. Hein. Ben, ils passaient avec de l'eau, des chiffons pour nettoyer, enfin, tous les trucs de première nécessité, quoi. Hein. Et alors, et chapeau aux bénévoles, parce qu'il y a eu un fameux coup de main, et beaucoup de flamands, énormément de flamands qui sont venus nous donner un coup de main. Hein. Et moi, je leur tire leur chapeau, c'est quand on sort des histoires, comment donc, de flamands au wallon et tout ça, mais ça, c'est juste politique et rien d'autre. Ce n'est que ça, ce n'est que politique. Parce qu'ici, ils sont venus, oh là là, je ne sais plus combien, tellement ils étaient là. Les ouvriers de la ville de Liège aussi, je leur tire mon chapeau. Soi-disant, on dit qu'ils ne font rien, mais je regrette, hein. Il fallait les voir à l'œuvre. Donc la solidarité, ça marche encore? Oui, ça a fonctionné à 100%, hein, de ce côté-là. C'est drôle parce que je viens de rencontrer un gars. Vous connaissez le gars avec qui je parlais juste avant, hors micro, non? Ce type, il est au bord de ce... Il dort dans la forêt. Il est au bord de se retrouver à la rue. Et tous les gens autour de lui ne l'aident pas, quoi. Il est, enfin, moi, je lui ai filé une petite carte pour donner mon téléphone, pour dire si jamais vraiment tu as besoin. Il devrait aller ici dans le parc, il y a une antenne du CPS. C'est ce qu'il a fait, mais il paraît qu'on ne peut pas le recevoir avant le 15 septembre. C'est full. Il y a plein de gens. Ça, vous imaginez toute la vallée, c'est des milliers et des milliers de personnes à reloger. Et c'est pas possible. Vous ne sauriez pas trouver autant de logements pour nous loger. Moi, je n'ai pas envie de me retrouver à 25 km d'ici. Faire quoi? Je n'ai pas de voiture, j'ai des problèmes dedans. Me retrouver où il n'y a pas de magasin, rien du tout. Et je ferai comment, moi, alors? Alors, je préfère rester ici, dans la maison que je loue. Et au moins, je vois les voisins, on discute. Ça occupe quand même la journée, quoi. Sinon, je vais me retrouver tout seul, là, dans un... je ne sais pas où, quoi. Bon, ça ne m'intéresse pas. Ah, vous n'avez pas envie de repartir à l'aventure dans un nouvel endroit, quoi. À mon âge. Et j'avais encore... j'avais une question. Et quoi, le propriétaire, vous continuez à louer ou bien votre propriétaire vous laisse... Vous fiche la paix? Normalement, il devait rentrer de vacancière. C'est ça que je me promène un petit peu. Je regarde si je ne le vois pas arriver, mais... toujours rien en vue. Oui, mais est-ce qu'il vous fiche la paix pour les loyers? Il vous laisse le temps de vous remettre ou bien... on s'est arrangé, hein, je vais dire. Il a été correct? Ben ouais, mais moi, je voudrais bien... Moi, c'est des travaux que je voudrais bien qu'il avance maintenant, qu'on mette la maison en l'état. Moi, c'est ce qui m'intéresse, moi, qu'on mette la maison en l'état et voilà, c'est tout. Ouais. Je suis pas difficile, moi, je demande pas qu'on fasse un château, hein. Ouais. Qu'on mette la maison en l'état et puis c'est bon, moi. Ouais. Quoi, et les propriétaires comme ça de maisons, ils ont une aide ou quoi? Ou vous en savez rien? Sincèrement, moi, je ne sais pas, je ne m'occupe pas de ça. Moi. Ça ne vous intéresse pas, cette question-là, quoi, de savoir comment est-ce que votre propriétaire... C'est sa maison, c'est ce problème, je vais dire. Ouais. Moi, j'avais mes meubles et tout ça, mais pas de problème, on s'arrangeait avec les assurances, maintenant, c'est à lui à se débrouiller pour sa maison, c'est son bâtiment, c'est pas le mien. Oui, oui, mais on ne sait jamais que vous vous intéressiez à la chose, quoi. Non, je l'espère. C'est à lui à tirer son plan, quoi. Et qu'est-ce que ça vous a fait je parle dans le cœur, dans la tête, une fois que... Qu'est-ce que ça vous a... Et vous avez eu peur? Vous avez... Absolument pas. Pas angoissé? Non, je suis... Non, non. Même quand l'eau montait comme non, ça? Non, non, parce que je suis allé 7 ans à la marine. Alors, vous savez nager, c'est ça que vous voulez dire? Non, pas spécial. C'est, je nage, mais je veux dire, j'ai connu des tempêtes et tout ça. Ça bougeait beaucoup plus fort que ce truc-là. Hein. Okay. Ici, il n'y avait pas des vagues quand même. Okay, okay. Alors, combien de temps, marin? 7 ans. Et ouais, ça doit être chouette à raconter, ça, non? Mais quoi, la marine marchande? 5 ans la marine marchande et 2 ans à force navale. Mais ça monte, là, hein? Ouais. Pour pas changer de sujet, et après je vous ennuie plus, c'est dû à quoi tout ça? Ces inondations, le changement climatique, on parle tout le temps. Le changement climatique, il y en a qui vont dire que c'est des erreurs au barrage. Maintenant ils veulent faire une commission d'enquête, là, qui de toute façon n'aboutira à rien comme d'habitude. Il y aura encore des recommandations que personne ne suivra, comme d'habitude. Hein, c'est pas la première commission d'enquête qu'on fait, il n'y a jamais rien qui change, quoi. Non, ouais, mais votre avis à vous, c'est dû à quoi tout ça? Franchement. Un peu les deux? Oui, je sais. Le climat. Je ne vais pas accuser spécialement les barrages. Soi-disant qu'on les avait prévenus 4 jours avant. Est-ce qu'ils auraient dû lâcher l'eau avant pour ne pas être inondés? Je n'étais pas là, donc je ne peux pas, je peux pas les accuser non plus, hein, forcément. Moi, j'étais pas à UPEN ou à la GIDAP, là. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est à la commission d'enquête, justement, de chercher le pourquoi. Ouais. Voilà, on verra bien. Mais, je serais peut-être plus là, moi, hein, avant que ça n'aboutisse. Quelque chose à rajouter sur tout ça, Victor? Non, on garde le moral, c'est tout. Voilà. Merci à vous, hein. Okay. Ça, question de ça, on est bien entouré. Mais enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme je finis de vous dire, le 14, je suis mort, je me suis réveillé le 15, 50 ans plus tard. Et voilà, j'ai 75 ans. Et dans 10 ans, ben, je ne serai plus là. Et voilà. Mais quoi, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je veux dire qu'on ne reverra jamais plus Pasteur comme on l'a vu. Hein, les maisons, l'enfance, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Tout le quartier derrière va être démoli. On se croirait à Beyrouth, enfin. Hein. Voilà, c'est tout. C'est combien de temps que vous êtes là, vous? Ici, 50 ans. Ah ouais, ouais. 50 ans, ouais, ouais, ouais. Quoi, vous avez décidé de rester dans votre maison, mais il y a des gens, là, je vois... Là, ils vont revenir, mais ils n'ont pas encore le courant, eux, là, ça fait... Moi, j'ai de la chance d'avoir encore du courant et voilà. Pas de téléphone, malgré que je vais encore recevoir une facture de téléphone, alors qu'il y a un mois et demi qu'on n'a plus de téléphone. Évidemment. Chapeau, hein, ça ne se perd pas. Mais autrement, non, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. On essaie de remettre tout ça en ordre pour nos enfants et nos petits-enfants, c'est tout. Sinon... Mais quoi, quand ça vous est arrivé, quand vous avez vu la flotte, vous l'avez vu arriver, ah, la ben flotte? Oui, moi j'ai vu la flotte... à 11h. Et mais quoi, elle arrivait de là-bas, puisque là... Ah non, de là. Ah, ouais. De là. Vous avez la Hogne qui vient de Teux, et puis alors la Veste qui vient de Dolet, Verviers et tout ça. Et alors ici, à le Croisse-Mort, et on a eu vraiment le déluge. Et à 18h, je me suis dit, je ne reste pas, je vais aller sur les hauteurs. Et quand on est revenu le matin, je ne pensais jamais qu'il y avait eu 1 mètre 90 d'eau partout, enfin. Ouais. En général, quand on a des grosses inondations... Vous avez 50 cm sur la route, et puis c'est tout. Donc je ne me suis même pas tracassé pour mes voitures, rien du tout. Et je n'aurais même pas su les retirer hors du garage, il n'y avait plus de courant. Donc j'ai perdu 4 voitures. Comment ça se fait que vous aviez 4 voitures? Ben, parce que j'aime bien les ancêtres et compagnie. Ah, vous aviez des vieilles bagnoles? Ouais. J'avais des vieilles bagnoles, elles sont toutes parties. J'avais une moto, elle est partie. Il n'y a plus rien. Si, on a la maison, mais à part ça, il faut tout refaire. Mais quoi, quand c'est arrivé, vous avez... Ah oui, vous n'êtes pas inquiété, en fait, parce que vous n'avez pas eu peur, vous n'êtes pas... Bah non, je ne me suis pas inquiété, parce que ça n'est jamais, jamais arrivé. Qu'est-ce qui aurait pensé ça? Personne. C'est de l'eau, voilà, il y a un mètre, et puis c'était tout. Mais sinon, c'était la catastrophe. Hein. Donc vous avez quand même pu garder votre maison dans un état correct? Non, on n'a plus rien de correct. Non? Non, je n'ai plus de mur, je n'ai plus de sol, je n'ai plus rien. Il faut tout décaper, les plafonnages doivent être décapés et tout. Non, ici, j'en ai pour 7-8 mois avant d'essayer de retravailler dedans, enfin, parce que tout est humide, avec le temps qu'on a, rien ne sèche, et puis voilà. Et quoi, du coup, vous prenez comment la chose, quoi? À 75 ans, qu'est-ce que vous vous dites avec tout ça? J'ai encore 10 ans, et puis au revoir. Vous venez de vous le dire. J'ai refait ça pour mes enfants, pas pour moi. Non, je ne serai plus profité de rien du tout. Ah, vous êtes touché, monsieur, mais attendez... Parce que, ouais, moi je réalise pas bien, mais c'est de la matière, vous êtes vivant. Oui. Est-ce qu'on peut penser comme ça quand on n'a pas, pas été inondé? À mon âge, ce serait plus normal de partir avec ses petits-enfants que de rester sa gueule ici à nettoyer de la merde. Bon, écoutez, on arrête. Ok. Et on dit une dernière. On dit, il y a beaucoup, quand j'ai rencontré beaucoup de gens, ils me disent souvent que c'est la gestion, une mauvaise gestion. Vous en pensez quoi? C'est normal, mais ils ne diront jamais rien. Ils diront que c'est le climat, que c'est nous autres qu'on pollue et tout ça. Ils ne peuvent mal de rien à dire à ces gros-là. Ils sont juste bons pour aller chercher le pognon, et puis c'est tout. Hein. Mais s'ils avaient un peu géré un peu mieux le barrage, aussi bien à deux peines que de la Gilep, ça ne sera certainement pas arrivé. C'est toujours bien drôle, une fois qu'ils ont jeté, qu'ils ont ouvert les vannes à 2h du matin, que tout est parti. Hein. Donc, mais non, c'est pas eux. Ils ont voulu garder de l'eau potable. Mais regardez, elle est bien, là, l'eau potable. Enfin, voilà. Merci, hein, Claude. Vous aurez excusé, moi. Mais... Non, mais je comprends. Enfin, je finis juste comme ça. Ce qui est terrible, c'est quand on n'a pas vécu le truc, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai, parce que bien souvent... Voilà, l'année passée, il y a 2 ans en France, on voit, oh, c'est malheureux. Mais on ne réalise pas. On ne réalise pas. C'est, franchement, on ne réalise pas. Et je vous dis, on est bien aidé. Regardez, on nous apporte un séchoir et tout ça. Question de ça, on n'a pas à se plaindre. Mais bon, c'est plus pareil. Enfin, c'est plus pareil. Moi, j'ai même un plan. Ben, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je n'en sais rien. Maintenant, il faut qu'ils sèchent. Hein, mais, hein. Non, on verra dans un an, je ne sais pas. Mais pour le moment, on s'occupe. Quoi, vous habitez tout seul? Non, mon épouse est chez mon fils. On redescend samedi, mais c'est moi chez mon fils, et maintenant on va redescendre. On va le laisser un peu tout seul aussi. Hein. Mais c'était sympa de sa part. Voilà.